Elle a moins d'aimé mon bélier, ouais. Enfin, qu'est-ce t'as? Comment tu goûtes ton bélier, ouais. J'ai crié comme tous les brésés tant que j'aurais pas eu ma pièce. Depuis la drill, j'ai beaucoup d'enfants, mais les baisers seraient de l'inceste. Enfin, qui j't'a? Elle a moins d'aimé mon bélier, ouais. Enfin, qu'est-ce t'as? Comment tu goûtes ton bélier, ouais. J'ai crié comme tous les brésés tant que j'aurais pas eu ma pièce. Depuis la drill, j'ai beaucoup d'enfants, mais les baisers seraient de l'inceste. La bouteille est vide, de ma vie je me remémore et j'ai toujours reconnu mes torts, on dégoupille la taille. On fout du NC au sol et tu sais pour honorer nos morts si tu dois une paye. Et que mon gars tu te touches, à paix je te mets en perte. Et j'ai baisé des femmes qui avaient l'âge de ta mère et j'ai fait du tard avant mon père. Et je vis la même trop sexy, vis la même trop sexy. Pour laquelle il faut que tu la branches, je la touche, elle sexy. Mais j'suis toujours au bloc, entre des dix et des blocs. Amener des litres au bord, c'est comme dirait le J. Sans moi j'ai toujours un grip, au cas où tu veux me box. Je fais la même trop sexy, fais la même trop sexy. Pour la gaine, il faut que tu la branches. Je la touche, elle sexy. Hey. Impressionnant casier judiciaire. J'en suis pas fier, mais je dois m'y faire. Refait, qui j't'a? Elle a moins d'aime mon béni, ouais. Refait, qu'est-ce t'as? Comment tu goûtes ton béni, ouais. J'ai crié comme tous les brésés tant que j'aurais pas eu ma pièce. Depuis la drill, j'ai beaucoup d'enfants, mais les baisers seraient de l'inceste. Refait, qui j't'a? Elle a moins d'aime mon béni, ouais. Refait, qu'est-ce t'as? Comment tu goûtes ton béni, ouais. J'ai crié comme tous les brésés tant que j'aurais pas eu ma pièce. Depuis la drill, j'ai beaucoup d'enfants, mais les baisers seraient de l'inceste. D'ailleurs, c'est de la cocaïne alignée. Ouais. Dès le matin, je me défonce au calumé. Mon terre est éteint, je vais le rallumer. Je pense auquel de ces gars, je vais j'annuler. Dans lequel de ces gars, je vais j'annuler. Une chevalière en or sur mon annulaire. Un flag à ce blanc et un annuaire. Et ton esprit en gravité lunaire. Le ciel est bleu, mais je suis mal luné. Mais je reste poisson malgré la lumière. Elle sait une chaga, mais va pas lui mettre. Car je connais ses rêves, ils vont t'allumer. Ouais, je connais ses rêves, ils vont t'allumer. On a fait des que travis, ils ont pas aidé. Donc je remercie ceux qui m'ont pas aidé. Sache que moi, la gang et la mentalité. Et boum, lâche trop ton Paul and Shark. L'ennemi nous connaît au shark. Et comme dans Game of Thrones, j'ai le cœur pourri, je suis comme un Stark. Faut un litre de pur, mais gagne pas trop, sinon on sauve. Bah ouais, fais ne baba yon soum. Demande à Zoudra, baba yon soum. Le corbeau ne fera jamais le canard. Les fras à moula comme Fresh Montana. Toujours l'opinel qui est sous la gousse canard. Je revois la cocaïne, la rage à Montana. Refait, qui j't'a? Elle a moins d'aime mon béni, ouais. Refait. Qu'est-ce t'as? Comment tu goûtes ton béni, ouais. J'ai crié comme tous les brésés tant que j'aurais pas eu ma pièce. Depuis la drill, j'ai beaucoup d'enfants, mais les baisers seraient de l'inceste. Refait, qui j't'a? Elle a moins d'aime mon béni, ouais. Refait, qu'est-ce t'as? Comment tu goûtes ton béni, ouais. J'ai crié comme tous les brésés tant que j'aurais pas eu ma pièce. Depuis la drill, j'ai beaucoup d'enfants, mais les baisers seraient de l'inceste.